TGS, PHIL, 2009, on rit, on crie, on faire un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. On rit, on crie, on faire un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. Ici, pas de piscine, de tasse, de bling bling, de cash money, assis à siroter un rhum arrangé. Attends, attends, sur un beat de West Coast, la tristesse invite pour y faire de belles noces. Pour me décrire, ma plume brille d'amertume. Je voudrais tout le temps rire, mais trop de choses me perturbent. Trop de drames, trop de faits divers m'attristent. Torture mon mental à en faire des cicatrices. Mais dis-moi, comment veux-tu qu'en ce moment l'on y croit, à l'heure où chaque mois des milliers de personnes perdent leur emploi. Trop de jeunes voient leur rêve peu à peu s'estomper, à cause des difficultés, se lassent et laissent tomber, hélas. Une bien triste réalité, y'a des jours où on resterait bien alité, m'amène. Malgré la galère, reste tranquille, accompagné d'un son de TGS et MC Phil. Non, non, non, non, non, gars, te suicide pas, car le monde calme, ce n'est qu'une sale farce, même si les non, recouvre tes factures, et que non, Sarko ne l'a pas dur. Génération fracture, qui resserre sa ceinture, qui sème des bases dures, et saigne des sales murs, qui écrit des ratures sur MSN et car pur, à la weed, à l'alcool, pure génération. Je joue le dur, pourtant je trouve que nos vies sont si fragiles, que même une souris vint bois serait plus tranquille. Certains kills, certains cris, certains deals, les autres friment pendant que le temps file. Mais passons, des spécialistes nous parlent de mauvaise passe. Va demander à ses parents qui ont le même Renault Espace depuis 15 ans, le même 30 mètres carrés de surface et presque le même salaire de surcroît. On rit, on crie, à quoi on perd un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. On rit, on crie, à quoi on perd un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. Sortez les mouchoirs, car nos projets ne font que choir, comme une certaine Evelyne Thomas, et l'émission c'est mon choix. C'est ton toit qui est parfois mis en jeu, ta retraite et tes droits, incessamment en mise en joue. Mis bout à bout, tes revenus et tes aides couvrent à peine ce que tu dois. Ici c'est quelques hommes d'affaires qui de l'argent n'ont que faire, que je viens montrer du doigt. Trop marre de faire ce que l'on dit que tu dois. Un conseil, fais tes affaires en sous-marin et tais-toi. Bats-toi pour tes droits, bats-toi avec tes gars. Pas très fier de notre état quand une étrangère nous t'état. Sur la situation que tu recherches l'explication, la traduite dit merde, pour eux c'est la même, y'a pas qu'une nation de toucher. Même ceux qui à 7 heures sont couchés, la crise nous fait mal comme une femme en train d'accoucher. La crise est derrière nous, j'entends ça tous les soirs, gars. Entre nous, à qui va-t-il faire croire ça? Le chômage augmente sans cesse, mais ça va repartir au troisième trimestre. Conneries, les médias sont là pour nous faire gaulerie. Oublie ces discours pourris qui nourrissent une lueur d'espoir factice. Plutôt avoir la grippe que de croire leurs bêtises. Voici arrivé Super Sarko le pompier, qui pour sauver les banques n'hésite pas à arroser, qui elles-mêmes vont diviser les milliards touchés aux actionnaires PDG et parachutes dorés. Franchement, comment peut-on faire de telles actions quand pour manger les gens n'ont recours qu'à la séquestration? Lâche rien, même si ce n'est que pour un centime, car demain sera bien plus difficile. On rit, on crie, à quoi on perd un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. On rit, on crie, à quoi on perd un bouquin, écoute nos cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies. On rit, on crie, pas de quoi en faire un bouquin, écoute nos cris, pas de bon cris, on t'en amène un bouquet, des jours d'écrit, des jours d'écrit, de crise, où ensemble on ne fait qu'un, où ensemble on ne fait qu'un, dans nos écrits à nos vies.